Ghetto Martyr présente VF Gang Pep Cal. Aïe, Ghetto Fab Gang, VF Gang, la ligne verte, MLJ. Aïe, 78, cicatrice, ok. Je viens déchirer la culture, défoncer la clôture. À coups de pompe dans les portes, je viens imposer ma culture. C'est pour les chiens de la rue, pour les frères de la rue. Ghetto Martyr, a.k.a. numéro 1, mais numéro 1 de la rue. Avec du venin dans les veines, la morsure sera mortelle. J'impose mon tige, j'en faire péter les décibels. Armé jusqu'aux dents, j'ai du plomb dans la tête, du shit dans les baskets. J'ai transformé un mic en rap minimal. Et si tu t'attaques à mon rap, t'auras une raison de mourir, une raison de survivre, 60 raisons de t'enfuir. J'ai le corps marqué par mes 7 blessures. J'nique les cœurs et leurs sales bavures. J'suis fulgurant, je viens reprendre ce que la France a arraché à mes rances. En 16 mesures, je viens prouver que je suis le meilleur. Dans le rap VF, j'ai tiré ailleurs. Tu souris pas, regarde ailleurs. Les gros, j'ai pas le temps à ta l'heure. Tu sais, en 16 mesures, je viens montrer que je suis le king. Alors j'ai pas le temps, faut que ça kill. Je sens déjà de la panique dans le regard de ces pourris qui pensent tenir le bis. Mente la jolie rectifie. À nous est de droit le titre. Oubliez pas Express D qui jusqu'à présent déchirait en mettre beaucoup en panique. Indec le guégan arrive sans cagoule. Sans gants et sans métaphore, parce qu'on est trop fort. Mon MLJ dans le rap est trop hardcore. Sur une mesure je fuck les corps, sur l'autre mesure j'insulte les profs. Je sais que tu as kiffé mon 12 mesures, je vois que tu rigoles. Et on a faim, on a la dalle, mec ça vient du Val. Où ça tease mal, l'équipe en V6 laisse tout postiche mal. Petite pute, arrête de jouir, je commence à peine. Laisse-moi le temps d'appeler ma mère, histoire qui nous ramène de la jazz. Hey, j'rappe la rue, la rue. Et nique sa mère, le reste, on veut notre pas de rêve avant le quart de siècle. On se taille au bled avec l'agent de la CAF. Fou sur les agents de la BAC. Si je croise la chance, je la bats. Mon son est lourd et tourne comme des putains gens de bâtard. Bah ouais, qu'on est méchants, de nous tu te méfies. On est les rats des villes qui traînent sur tes champs. Sur les champs. Imbécile, Sarkozy veut rétrécir nos chances. Mais on n'est jamais seul. Jamais ça soit dans nos gauves, nos halls ou nos chambres. Hey. On met les chorus quand on chante. C'est pour les familles nombreuses, les amis au hef, les habiles et okay, ok, ok. Y'a pas de pratique honteuse, que des bonhommes entre eux qui piétinent ton buzz. Ok, ok, ok. 93, dans le bail est sale. Que des têtes de RMistes au Chico carrier ça. Dans ce game, c'est sur nous qu'faut pas aller mal. C'est sur nous qu'faut pas aller mal. Alien, alien, alien. Truand, truand, truand de la galère. Truand, truand, truand de la galère. Appelle-moi ZF pour tous les oufs. C'est pour les refs qui pèsent les ch'tards sur le terre-terre. Qui posent leur France dans la prière. Qui savent que tous, un jour ou l'autre, on finira au fond d'un cimetière. Je mélange jamais ma boisson avec l'alcool. Je mélange jamais mon zen avec de la colle. Ici, c'est ghetto martyr. Je l'ai déjà dit dans nos ghettos satire. Trop d'indiques, signe des packs avec les torts inspects. Refait un deck, bellec. Je suis de la banlieue nord. Où ça bicrave la mort, où ça sent la mort. Demande à moi 9-5 Northside, Northside 9-5 Northside, Northside. Mon rap, enfilez la cagoule. Ta gueule, donne-moi la gaule. Ouvre la caisse, sans moi les thunes. Roloto, parle-moi de pif, de drago. Des meutes et de raglas sur les comicos. Viens pas tête, prends de la galère. Un son, pas fait pour les rêves. Un son, fait pour les incous. C'est qui porte la houille. Et nique comme la politique. Les laisse faire les capous. Les capous, nous on les pèse. Pèse mes grilles, Sarko nique leur mère. Moi je nique l'État et toutes ces Hanza. Ici c'est truand de l'alerga. Écoute ce son qui fait la hella. C'est tic tic tic qui veut quoi. Ici on piquera plus de 800 000 chez moi. Cousin fusil à pompe blindé. Hanza cramé, cramé, pavé. Pavé la Pâque internationale. Jamais, jamais parler avec truand de l'alerga. On va te niquer ta race sale chien. C'est moi, poto. 9-5 Northside, 9-5 Northside. Yeah, yeah, yeah. 2, 007, ghetto martyr, VAM, alien, pep 4, ZF, Django, moi, truand de l'alerte, gars, poteau. J'ai cette record, victorieux.